défaut, finir en dépôt. Pour une histoire de stupou de braco. Jugé par défaut, finir en dépôt. Pour une histoire de stupou de braco. Jugé par défaut, finir en dépôt. Pour une histoire de stupou de braco. Jugé par défaut, finir en dépôt. Pour une histoire de stupou de braco. Criant de la galère, c'est mort, ça et RF. On fait du tam-tam sur le cul de la femme à Le Pen. Comme on est puissant, comme on est violent. Sans la toucher, elle pousse des hurlements. Morsai ZRF et tu tues encore un gros tube. Un coup de tête de ZRF, il t'envoie voler en altitude. T'as passé un cup et finir en garde à vue. C'est comme commettre un meurtre mais personne n'a rien vu. La vie est belle et pour certains elle est dure. J'crois plus en meuf bien donc j'pèse que des putes. Fais attention à ton endroit, t'as des langues de pute. Si t'es un bon soldat, tu rends la galère, te recrute. Maintenant j'ai 80 meufs et j'ai encore plus la dalle. Comme d'hab, on baisse le front national. J'ai 80 meufs et j'ai toujours la dalle. Et comme d'hab, j'baisse la police municipale. Trop de vengeance dans la tête d'un mec de cité. Donc on veut se venger, alors on a tout brûlé. Un nain de jardin est président de la République. Nous dans notre jardin, on fait pousser du shit. Jugé par défaut, finir au dépôt. Pour une histoire de stupou de braco. Jugé par défaut, finir au dépôt. Pour une histoire de stupou de braco. Jugé par défaut, finir au dépôt. Pour une histoire de stupou de braco. Jugé par défaut, finir au dépôt. Pour une histoire de stupou de braco. On connaît tous le tribunal de Bobosh. Mon dernier passage, c'est sur la vieille tête d'un keuf que j'envoie ma gauche. Le stupéfiant, ça nous connaît. Quelques de nos transacts se faisaient avec des sacoches. Demande à Morsai à Kara. Sur l'autoroute en RS6, personne nous accroche. C'est par mes fesses que je me torche avec ton vieux Porsche. Car aujourd'hui, tous les petits jeunes ont plus de mailles en pipi cravant sur leur porte. Fuck le FN et sa Marilyn la cochonne. Je lui mettrais bien entre ses cuisses une grosse colonne. Et si ça pue pour camoufler, je mettrais de l'autre colonne. Je connais un gros qui fait de l'import, et le minimum c'est une ou deux tonnes. Les 6 gros font pas dans le détail, car aujourd'hui ils veulent des grosses sommes. Si ton act up, il a foiré, prends un billet direct les tops. Jugé par défaut, finir au dépôt. Pour une histoire de stup ou de braco. Jugé par défaut, finir au dépôt. Pour une histoire de pute ou d'un escroc. Jugé par défaut, finir au dépôt. Pour une histoire de stup ou de braco. Jugé par défaut, finir au dépôt. Pour une histoire de stup ou de braco. Jugé par défaut, finir au dépôt. Pour une histoire de stup ou de braco. Jugé par défaut, finir au dépôt. Pour une histoire de stup ou de braco. Jugé par défaut, finir au dépôt. Pour une histoire de stup ou de braco. Jugé par défaut, finir au dépôt. Pour une histoire de stup ou de braco.